إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue بإذن الله عز وجل l'explication de ce livre très important dans la croyance et qui est intitulé أعلم سنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة للشيخ العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي رحمة الله عليه رحمة واسعة. On a parlé des cours précédents, ce qui est en relation avec Al-Kufr, la mécréance. Et le tout dernier cours, on a vu Aqsam Al-Kufr, les différentes catégories du Kufr par rapport à leur origine. Et aujourd'hui, donc, on va continuer toujours sur cette question du kufr, et également cette question qui est directement liée à takfir. Le kufr, qui est la mécréance en elle-même, la mécréance, le kufr, et à takfir, qui vient du verbe kaffara, kaffir, takfiran, et qui est là le fait de rendre une personne kafir. Ça, c'est ce qu'on appelle al-takfir, et c'est la différence qu'il y a entre al-kufr ou al-takfir. Une précision qu'on va donner et qu'on n'a pas donnée la semaine dernière lorsqu'on a parlé du kufr al-juhud. On a vu donc les différentes catégories, et parmi ces catégories, on a vu kufr al-juhud. Et en réalité, kufr al-juhud, il y a deux sous-catégories. Il y a en réalité deux sous-catégories qu'on va citer maintenant. La première sous-catégorie, c'est ce qu'on appelle kufr mutlaq. Ça, ça rentre dans kufr al-juhud. Kufr al-juhud. Pour bien qu'on se rappelle par rapport au cours dernier, et pour bien qu'on voit qu'il y a ici, dans cette catégorie de kufr, deux catégories. Ce qu'on appelle kufrun mutlaq. Kufrun mutlaq. Qui est en réalité la mécréance absolue, totale. La mécréance absolue. Et qui est un yajhad al-rububiyah, ou jumlatan man anzal Allah, ou irsal al-rasul. C'est-à-dire, ici, lorsqu'on parle, et on est dans kufr al-juhud, et qui est la première sous-catégorie, kufr al-mutlaq, c'est donc la mécréance qui est absolue. C'est tout simplement donc renier al-rububiyah, la seigneurie d'Allah Azzawajal, ou la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc une partie du tawhid, ou alors une partie jumla ma anzalallah, une partie de ce qu'Allah Azzawajal a fait descendre, ou alors ce qu'Allah Azzawajal, ou qui Allah Azzawajal a envoyé comme prophète. Ça, c'est kufr mutlaq, c'est-à-dire que ici la personne est tombée dans une mécréance qui est absolue. La deuxième catégorie, c'est kufrun muqayyad. Kufrun muqayyad. Muqayyad, qui est en réalité restreint. Une mécréance, mais qui va être ici restreint. Ça va être restreint pas dans le sens où la personne ne sort pas de l'islam, là, mais dans le sens où cette mécréance va être beaucoup plus restreinte, à un point qui va être beaucoup plus précis qu'auparavant. C'est par exemple un yajhad farban min furud al-islam, qu'il renie une obligation parmi les obligations de l'islam. Une personne peut se dire musulman et reconnaître les obligations de l'islam, les interdictions. Il suffit qu'elle ne reconnaisse pas une interdiction de l'islam et qu'elle la renie, alors cette personne-là, à ce moment-là, elle sort de l'islam. Et elle rentre dans kufr al-juhud. Kufr al-juhud. Mais ici, mimbab al-muqayyad, c'est-à-dire par rapport à ce qui est restreint. Ou alors au tahrim muharram, c'est-à-dire une personne qui va renier une chose qui est interdite. C'est-à-dire elle va renier l'interdiction de ce qui est interdit. Comme par exemple renier que l'alcool est interdit dans l'islam, ou renier que le zina est interdit dans l'islam. Cette personne-là, yakfur, c'est-à-dire donc qu'elle devient mécréante de par cette croyance-là, si elle croit que cela n'est pas interdit. Alors que ce qu'on a vu auparavant, c'était kufru mutlaq, c'est que la personne renie la souveraineté d'Allah Azzawajal totalement. Ou alors une partie de ce qu'Allah Azzawajal a fait descendre. Donc on voit que c'est, lorsqu'on dit kufru mutlaq ici, taht kufru al-juhud, qui rentre donc sous le kufru al-juhud, c'est beaucoup plus général. C'est beaucoup plus global, alors que kufr al-muqayyad c'est beaucoup plus restreint. On voit que ça se résume par exemple à une seule obligation, c'est-à-dire renier une seule obligation qui est connue de tous en islam, ou alors le fait de ne pas reconnaître l'interdiction d'une chose qui est reconnue par tout le monde comme étant interdite en islam, ou khabaran akhbarallahu bihi wa rasuluhu, ou alors une information qui est connue de tout le monde et qu'Allah Azzawajal nous a informé, que son prophète nous a informé. La personne, si elle suffit qu'elle renie cela et qu'elle le fait donc avec toute sa conscience et sa raison, cette personne-là donc tombe dans ce qu'on appelle kufr al-juhud min bab al-muqayyad, c'est-à-dire dans ce qui va être restreint. Donc ça, tout simplement, c'était une précision que l'on va donner pour ce qui est de kufr al-juhud sur les autres catégories, les catégories plus générales donc qu'on a vues la semaine dernière. Tayyib. Ensuite, on va rentrer dans une question qui est très très importante. Qui est très très importante en ce qui concerne le kufr et en ce qui concerne le takfir de manière directe également. Ça va être les questions qui vont venir ensuite. Lorsque le shir va nous parler donc de ce qu'on appelle el-kufr el-amali. Lorsqu'il va nous parler également de el-kufr el-i'tiqadi. Et il va nous faire bien, ou il va bien nous expliquer et de manière précise quelle est la différence entre les deux, car il y a beaucoup de gens qui font un amalgame entre ces deux catégories de kufr, que ce soit de façon théorique ou alors que ce soit de façon pratique. Mais avant cela il va falloir ici également parler des deux catégories qu'on avait données pour ce qui est du kufr, c'est donc le kufr al-akbar ou le kufr al-asrar, et également ce taqsim, c'est-à-dire cette subdivision également que le shir ici fait lorsqu'il parle de al-kufr al-amali ou al-kufr al-i'tiqadi. Donc on voit qu'on est toujours dans les terminologies et qu'on va expliquer donc ces terminologies et qu'est-ce qu'elles veulent dire exactement et quelle en est l'application. Dans un premier temps, on a parlé du kufr al-akbar ou le kufr al-asrar. Donc le kufr al-akbar et le kufr al-asrar, on a vu que les différences majeures qu'il y a entre les deux, c'est que le premier fait sortir de l'islam, le deuxième ne fait pas sortir de l'islam. Le premier fait sortir de l'islam et le deuxième ne fait pas sortir de l'islam. Et on va voir que ici, et c'est ce qu'on va faire maintenant pour donner donc des exemples et pour ensuite continuer avec l'explication et les questions du shir, on va voir que dans le Coran, on a l'utilisation de ce terme kufr, ou alors de ses dérivés, kufr qui est le masdar, ou alors de ses dérivés qui peut être donc le verbe, qui peut être la personne qui fait l'action, ism al-fa'il, etc. Tout ce qui va être dérivé donc de ce masdar et qui revient donc au terme kufr, que ce soit kafara, le verbe kafara, que ce soit al-kafir, donc celui qui fait l'acte du kufr, etc. On va voir donc que dans le Coran, il y a l'utilisation de ce terme kufr et de ses dérivés pour donner un sens qui va être soit de la catégorie du kufr al-akbar ou soit de la catégorie du kufr al-asrar. Et c'est là qu'il faut faire attention et qu'il faut être prudent pour pas mélanger et pour savoir à quel moment Allah Azzawajal, lorsqu'il utilise ce terme kufr et ses dérivés, il veut dire à ce moment-là, c'est-à-dire dans le verset concerné, al-kufr al-akbar. et à un autre moment Al-Kufr Asghar. Et ensuite donc, on verra par la suite avec l'explication du Cheikh à travers ses questions, et qui est une explication qui va être très détaillée et qui va être très précise, et qui va donc nous faire comprendre également la relation qu'il y a avec Al-Kufr Al-Irtiqadi ou Al-Kufr Al-Amali, c'est-à-dire la mécréance qui est propre aux actes, la mécréance qui est propre aux croyances ou à la croyance. On va ici maintenant, pour donner des exemples à ce qu'on a déjà cité, à quel moment, ou alors des versets qui vont reprendre le terme kufr et ses dérivés, mais qu'ils veulent dire kufr al-akbar, c'est-à-dire donc la mécréance qui est dite majeure, la mécréance qui est dite majeure, celle qui fait donc sortir de l'islam. Les exemples, ça va être donc les versets suivants. يقول الله عز وجل وهذا في سورة البقرة سي dans la sourate de la vache et le verset 102. يقول الله عز وجل وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. Ici c'est le verbe qui est utilisé, donc un dérivé du terme kufr, et c'est le verbe qui est utilisé. Le verbe qui est utilisé ici, كفر وما كفر, et également وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا كَفَرُوا, alors que Suleyman n'a jamais été mécréant, mais bien les djabs. Donc وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ, alors que Suleyman n'a pas fait ou n'est pas rentré dans la mécréance. وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ, n'a pas fait acte de mécréance. Donc ici on voit وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ, وَمَا كَفَرَ, le terme كَفَرَ كَفَرَ. Donc Suleyman n'a jamais été mécréant. وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا, mais les djabs ont été mécréants, ils sont rentrés donc dans la mécréance. Ici le terme donc, et le verbe, ça veut bel et bien dire la mécréance majeure, ça veut bel et bien dire la mécréance majeure, c'est à dire que Suleyman n'a pas été un mécréant, mais ça a bel et bien été à Shayatouin, les djabs qui ont été les mécréants. Donc le verbe ici, on va traduire donc par mécréant, mais on voit bien que c'est un terme, c'est un verbe qui est utilisé. Donc c'est vrai qu'au niveau de la traduction, après c'est dur de trouver le verbe qui va réellement convenir pour traduire ce qui est dit. C'est pour ça qu'on voit toujours que c'est, bien entendu, la traduction est approximative. Donc on va s'apercevoir à partir de là, وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَان, c'est du kufl ici, kufl akbar, وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. Donc ici c'est un exemple de l'utilisation d'un des dérivés du terme kufl. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu par là le kufl al-akbar. On va le comprendre tout simplement فِسْيَاقَ الْآيَةِ, c'est-à-dire suivant l'exposition du verset, et en revenant bien entendu à l'explication et ce qui nous a été donné. Un autre verset également fut surat al-Baqarah, et qui est le verset 253, où Allah Azza wa Jalla قول وَلَكِنْ يَخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ, mais ils ont divergé. فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ, parmi eux il y a ceux qui ont cru, وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ, et parmi eux ils ont su ceux qui ont donc été mécréants. Donc on voit ici le terme encore qui est utilisé, kafara, qui est donc le verbe ici. Wa kafara muqabil aw jaa fi muqabalati al-fi'l amana, c'est-à-dire qu'il est venu en opposition au verbe amana. Donc on va comprendre à partir de là que c'est bel et bien al-kufr akbar, que c'est bel et bien par rapport à l'exposition du verset ici, par rapport donc à l'utilisation du verbe kafar. On va bel et bien comprendre que c'est en réalité le kufr al-akbar ici. Donc ceux qui ont cru et ceux qui ont été donc mécréants. Un autre verset également, le troisième, le dernier verset. Et là c'est fi surat al-ma'ida, et qui est le verset 17. Wallah azza wa jalla yaqul laqad kafara alladhina qalu inna Allah huwa al-masih ibn Maryam. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ وَالْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ. Surat al-Ma'ida, qui est le verset 17. Donc on voit ici également que le terme kafara, qui est donc ici le verbe dérivé donc du terme kufr, on va s'apercevoir que c'est bel et bien le kufr al-akbar. Pourquoi? Certes sont mécréants ceux qui disent Allah c'est le Messie, fils de Marie. Donc c'est un kufr qui est plus qu'évident lorsqu'on voit le sens du verset, et à partir de là on comprend que c'est le kufr al-akbar. Donc ici, trois exemples de versets où le terme est utilisé, kufr, en l'occurrence ici le verbe kafar, et que ça concerne le kufr al-akbar. Mais c'est pas toujours comme ça dans le Coran. C'est-à-dire que on va avoir certains versets du Coran où il est employé le terme kufr, mais on ne veut pas dire par là al-kufr al-akbar, lakin al-kufr al-asghar, c'est-à-dire le kufr qui ne fait pas sortir, le kufr mineur, la mécréance mineure, mais qui ne fait pas sortir de l'islam. Et à titre d'exemple, le verset fi surat Luqman, surat Luqman, et qui est le verset 12. Regardez ce qu'Allah Azza wa Jalla yaqul. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنْ يَشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرْ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Ici on va voir le terme qui est employé et qui est donc toujours le verbe كَفَرَ. وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. Le verbe ici, il veut dire الكفر الأصغر, et laisse الكفر الأكبر. Comment on va le savoir, et comment bien entendu l'ont interprété les grands savants, les grands mufassirines comme l'imam al-Tabari, également l'imam al-Shawkani et d'autres encore, ils vont tout simplement nous faire comprendre ici que c'est kufr al-ni'ma, c'est-à-dire la mécréance du bienfait d'Allah, et qu'on va traduire, et pour bien comprendre, l'ingratitude, qui est en réalité l'ingratitude du bienfait d'Allah, mais c'est ingratitude que l'on va exprimer en arabe par le terme lui-même ou par le verbe lui-même kafara. C'est pour ça qu'il dit l'imam al-Tabari, وَمَنْ كَفَرَ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْهِ. Celui donc qui est ingrat envers le bienfait d'Allah Azza wa Jal. Donc ce verset, nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse. Sois reconnaissant à Allah, car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat, donc on voit, bien entendu ça n'apparaît pas dans la traduction du sens. Ça va apparaître en langue arabe. On voit que ce qu'ils ont traduit par « quant à celui qui est ingrat », qui est en réalité le sens, ils ont traduit le sens. Mais on voit que le terme employé, c'est bel et bien « وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ ». C'est pour ça qu'il dit, subhanahu wa ta'ala, « فَإِنَّ اللَّهَ, certes Allah, se dispense de tout, غَنِي ». غَنِي ici est riche, nam. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont traduit par « se dispense de tout ». غَنِي, c'est un nom d'Allah. Ils auraient dû le traduire comme c'est. « فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ ». Allah est riche, Rani, Hamid, donc il est digne de louange. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌ حَمِيدٌ. Donc certes Allah est riche et digne de louange. Bien entendu, pour nous faire comprendre que la personne, si elle est ingrat par rapport à la ni'ma, par rapport au bienfait qu'Allah Azza wa Jalla, elle n'est pas reconnaissante. Parce qu'on voit que ici, le verset, il nous parle de reconnaissance, être reconnaissance envers Allah. C'est pour ça qu'on retrouve dans le verset anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Celui donc qui est reconnaissant, il est reconnaissant que pour soi-même, c'est-à-dire que cette reconnaissance qu'il a eue envers Allah Azza wa Jal, c'est un bien pour lui, c'est dans fi maslahati, c'est dans son intérêt. Tayyib, donc c'est dans ce sens qu'on va comprendre que c'est bel et bien l'ingratitude. À partir de là, le verbe wa man kafar, ce n'est pas le kufr al-akbar, celui qui fait sortir d'islam, mais c'est ici al-kufr al-asghar. Donc on voit ici une différence, comme on a compris, suivant bien entendu l'exposition du verset siyaq al-aya et ma'na al-aya, c'est-à-dire donc la signification du verset. Tayyib, également ce que nous ont expliqué donc les grands mufassirun parmi les salafs et d'autres. Ensuite, un deuxième verset que l'on va donner pour voir que également ici le terme ou l'un des dérivés du verbe ou du terme kafara, ce n'est pas al-kufr al-akbar. Et c'est le verset suivant. يقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Ça fait surat al-Maïda. C'est surat al-Maïda et c'est le verset 44. Surat al-Maïda, le verset 44. يقول الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. Donc ceux qui ne gouvernent pas avec ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre, qui ne jugent pas avec ce qu'Allah Azza wa Jalla a fait descendre, ce sont eux les mécréants. Donc ici le terme qui va nous intéresser, al-kafirun. Donc ici ism al-fa'il, al-kafir, al-kafirun. Donc qui est donc un des dérivés du terme ou du masdar kufr. Bien entendu, lorsqu'on dit dérivé du masdar, on dit c'est dérivé du terme kufr. C'est bien entendu suivant une des écoles dans la langue arabe qui disent que la base c'est le masdar. Et tout ce qui ensuite vient, comme le verbe, etc., c'est les dérivés. Et d'autres qui disent que la base c'est quoi? C'est le verbe. Et tout ce qui vient ensuite, c'est les dérivés. À la kulli hal, sans entrer dans les détails, pour que ce soit clair, pour pas qu'il y ait une ambiguïté, c'est que lorsqu'on dit le terme kufr et ses dérivés, donc c'est suivant cette école dans la langue arabe. Donc ce verbe là, ou ce terme là, c'est al-kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Ici donc, le terme al-kafirun, donc les mécréants. Donc c'est itlaq al-kufr. C'est tout simplement le terme qui va être employé ici, qui est de façon générale. Donc c'est à nous de savoir, est-ce que c'est ici al-kufr al-akbar ou al-kufr al-asghar. On va revenir bien entendu, et ça c'est notre minhaj, ça c'est notre voie, et c'est la voie donc de ceux qui suivent les pieux prédécesseurs. On va revenir à ce que nous ont expliqué les salafs par rapport à ce verset. Et parmi eux, bien entendu, celui qui est à la tête des mufassirin, celui qui est à la tête de tous les commentateurs des versets du Coran. C'est bien entendu celui qui a commenté le Coran, Ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhuma, et qui a dit Hiya bi kufr, wa laysa kufran billahi, wa bi malaikati, wa kutubi, wa rusulihi. Et dans une autre version, il nous dit Ibn Abbas, laysa bil kufr alladhi yadhhabuna ilayhi, c'est-à-dire ce n'est donc pas le kufr vers lequel ils vont, c'est-à-dire vers lequel ils pensent, et donc ici le kufr al-akbar. Il yanfi, c'est-à-dire qu'il nie ici Ibn Abbas le kufr al-akbar. Et dans son autre parole, il dit ya bi kufr, c'était par rapport à ça, c'est mécréance, na'am. Ça rentre dans la mécréance. Est-ce que ça rentre dans la mécréance, fait sortir l'islam ou ne fait pas sortir l'islam? Il nous dit donc walaysa kufran billah, ce n'est pas en réalité un kufr, la mécréance envers Allah ou ses anges ou ses livres ou ses prophètes. En ce sens, ce n'est pas donc al-kufr al-akbar qui est ici. Des exemples que nous donne Ibn Abbas pour nous faire comprendre que ici il fait comparaison avec le kufr al-akbar. Walaysa, donc ici il nie que c'est du kufr al-akbar. Et bien entendu, beaucoup parmi les salafs ont repris la parole d'Ibn Abbas, comme Taous, comme Ata, etc. Et c'est pour ça que Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi yaqul, en nous rappelant donc cette parole d'Ibn Abbas, et il nous dit kufrun dun kufr, c'est-à-dire c'est une mécréance sans être une mécréance, dans le sens que c'est une mécréance qui est mineure sans être une mécréance qui est majeure. Et dhulm dun dhulm, wa fisq dun fisq. Comme on le verra plus tard également que le terme dhulm est employé dans le Coran, et il veut dire par là également le kufr. Et que ce terme dhulm, il veut dire parfois le kufr al-akbar et le kufr al-asghar. C'est-à-dire le dhulm al-akbar ou le dhulm al-asghar. Celui qui fait sortir l'islam, celui qui ne fait pas sortir l'islam. De même pour ce qui est du fisq. C'est pour ça que dans le verset, ou dans les variantes de ce verset, on va retrouver fa'ula'ikahumul fasiqun, fa'ula'ikahumul Valimun, ça c'est les variantes du verset que l'on va trouver. C'est-à-dire qu'on va retrouver le même verset, sauf qu'il y a un changement au niveau du terme employé à la fin par Allah Azawajal. Donc à un moment où il a dit subhanahu wa ta'ala fa'ulaika humul kafirun, et l'autre moment fa'ulaika humul fasiqun, et dans un autre verset, le troisième, fa'ulaika humul valimun. Il nous dit donc, c'est pour ça qu'il nous dit Cheikh l'Islam, dhulm dun dhulm wa fisq dun fisq. Et il nous dit وَقَدْ ذَكَرَ ذَلِكَ أَحْمَدُ وَالْبُخَارِي وَغَيْرِهِمَا. Et cela a été rappelé donc par l'imam Ahmed et par l'imam al-Bukhari. Donc on voit tous ceux qui sont à la tête parmi les salafs, parmi les grands savants des salafs, qui ont tous eu cette parole donc pour nous rappeler le sens de ce verset, qui est donc ici un des exemples du kufr sans être le kufr akbar, et qui est donc le kufr asrar, celui qui ne fait pas sortir l'islam. Ça c'est des exemples donc qui sont donnés pour voir que dans le Coran, et c'est là qu'il faut faire très attention, et qu'il faut revenir aux gens de science donc. Ce n'est pas une personne qui va ouvrir le Coran et qui va de lui-même commencer à faire la différence et dire cela concerne le kufr al-akbar, cela concerne le kufr al-asghar. Il faut avoir un minimum de science et revenir aux gens de science par rapport à cela pour comprendre le Coran. Et on voit donc ici, au niveau de la terminologie, c'est pas si facile comme on pourrait le croire, mais qu'il y a des termes qui sont employés dans le Coran et que par moment, ils vont avoir un sens qui est précis, suivant bien entendu la catégorie qui va être désignée et qui va rentrer donc sous ce terme-là. Ça, c'est un exemple que l'on va donner. Et Cheikh Hafid, rahimahullah, à travers les questions qu'il va nous poser également, il va nous faire prendre conscience également de ce qui est al-kufr al-amali ou al-kufr al-i'tiqadi, et va nous faire bien ici voir qu'il y a celui qui va faire sortir de l'islam, celui qui ne va pas faire sortir de l'islam, en comprenant bien également quelles sont ces terminologies, qu'est-ce qu'on veut dire par ces termes lorsqu'on dit irtiqad, lorsqu'on veut dire amal, parce qu'il peut avoir des ambiguïtés lorsqu'on va dire kufr amali, c'est-à-dire le kufr qui est propre à l'acte. Il peut avoir des ambiguïtés par rapport à ce terme, et c'est ce que va nous expliquer, et ça d'une manière parfaite, le shir. Le shir, il nous dit donc, et on s'était arrêté à la question 167. La question 167. Il va nous dire, rahimahullah, ma huwa al-kufr al-amali alladhi la yukhrij min al-millah. Ma huwa al-kufr al-amali alladhi la yukhrij min al-millah. Cette question, c'est la suivante. Et on va comprendre déjà dans la question beaucoup de choses. Il va nous dire, qu'est-ce que l'incroyance, donc al-kufr, al-amali, qui est propre à l'acte, qui est propre à l'acte, al-amali, qui est propre à l'acte, alladhi la yukhrij min al-millah, qui ne fait pas sortir de la religion. On va comprendre par là que le kufr al-amali, donc le kufr qui est propre à l'acte, il ne fait pas sortir de l'islam. Et qu'est-ce que ce kufr? Donc c'est cette question-là. Qu'est-ce que ce kufr, celui qui ne fait pas sortir de l'islam, et qui en réalité est le kufr al-amali, qui est propre à l'acte? Et comment on va comprendre ensuite réellement ce que c'est le kufr al-amali, et ne pas tomber dans une ambiguïté? Et nous dit le shir dans un premier temps, wa kullu ma'siyatin atlaqa 'alayha ash-shari'u ism al-kufr ma'a baqa'i ism al-iman 'ala 'amilihi. Fa qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam la tarji'u ba'di kuffaran yadhribu ba'dakum riqaba ba'd. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Fa atlaqa sallallahu alayhi wa sallam على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر وسمى من يفعل ذلك كفارا مع قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى قوله إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فأثبت الله تعالى لهم الإيمان وأخوة الإيمان ولم ينفي عنهم شيئا من ذلك. On va expliquer ici, et c'est important à comprendre. Je vais demander la concentration pour bien comprendre, et pour bien comprendre ensuite la question qui va suivre, parce qu'elle est directement liée à tout ce qu'on va expliquer maintenant à travers la parole du shir. Il nous dit, en nous donnant la définition de al-kufr al-amali, pour bien comprendre qu'est-ce que ce kufr al-amali, il nous dit c'est tous les péchés. Il s'agit donc de tous les péchés. Wa kullu ma'siyatin, c'est tous les péchés. Mais quel péché que le législateur, donc Sharia, a appelé incroyance. Donc lui a donné le terme de manière absolue, et qui est donc le nom incroyance, ou le terme incroyance. Ismul kufr. Ismul kufr, donc le nom de l'incroyance. Mais dont la personne qui le commet conserve le titre de la foi. Enam. Tout en la personne qui va commettre ce kufr-là, elle va garder avec elle le nom de l'iman. Le nom de l'iman. Donc elle va conserver ce terme-là. C'est-à-dire qu'elle va rester dans ce sens musulmane. Malgré qu'elle est tombée dans ce marsia, donc c'est ici minbab el marsia, elle est tombée dans ce péché, et ce péché-là, le législateur l'a appelé comme étant mécréance. Comme étant mécréance. Ça, c'est la définition que va nous donner le shir pour ce qui est de al-kufr al-amali. Ensuite, il nous donne l'exemple, rahimullah, et il dit la tarji'u ba'di kuffaran yadhribu ba'dukum riqaba ba'd, yadhribu ba'dukum riqaba ba'd. Ça, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a mis en garde les croyants. Il nous dit, ne redevenez pas après moi des incroyants en vous entretuant. Regardez cette parole. Ne redevenez pas après moi des incroyants en vous entretuant. Il nous dit, la tarji'u ba'di kuffaran. Le terme qui est employé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lequel? Kuffaran. Kuffaran. Taïb. Al-kuffar. Qu'est-ce qu'on pourrait comprendre directement? Al-kuff al-akbar. C'est-à-dire le kuff qui est celui majeur, celui qui fait sortir de l'islam. Ce n'est pas le cas ici. Ce n'est pas le cas ici. Et pourquoi cela? Le shir va nous l'expliquer. Dans un premier temps, il va nous l'expliquer par des versets du Coran, ce hadith. Et également donc l'explication du deuxième hadith qui va venir également. Donc on va citer le deuxième hadith comme il a fait le shir, et ensuite on revient donc à l'explication. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam. De même, pour ce qui est de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Ça c'est également un hadith. Bien entendu, tous les hadiths sont authentiques, rapportés par al-Shaykhan, les deux shuyukh, Imam al-Bukhari et Imam Muslim. Le premier ou le deuxième, insulter un musulman est une perversion. Est une perversion. Donc insulter un musulman est une perversion. Fusuq, c'est comme ça qu'il l'a appelé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le combattre est une incroyance. Wa qitaluhu kufr. Wa qitaluhu kufr. Et le combattre et le tuer, c'est une incroyance. Donc on voit le terme ici employé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kufr. Il a bel et bien employé le terme kufr ici, al-masdar. Dans l'autre, il a bien employé dans le premier hadith, il a bien employé le terme kuffaran. Et pourtant, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas voulu. Et ça de façon sûre et certaine, il n'a jamais voulu par là le kufr al-akbar, celui qui fait sortir de l'islam. Et que celui qui tombe dedans, il serait donc un kafir. Que ce soit ici donc, dans les deux hadiths, de se combattre et de s'entretuer. Si des musulmans s'entretuent, se combattent, ce n'est pas pour cet acte-là qu'ils vont devenir des kuffars. Malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien cité le terme kuffaran. Kuffaran. Et dans le deuxième, wa qital ou kuffr. Il nous dit, le shir donc, fa'atlaqa ala qital al-muslimin ba'din ba'da annahu kuffr. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien utilisé ces termes. Wa samma man yaf'al dhalika kuffaran. Et ceux donc qui font cela, ceux qui s'entretuent parmi les musulmans, il les a bien appelés comme étant des kuffars, des mécréants. Ma'a qawlillahi ta'ala. On va comprendre à partir également du verset du Coran. Donc on voit comment les savants, ils nous expliquent. Ils ne prennent pas un hadith à part, ils le comprennent comme ils veulent le comprendre, comme font les gens de l'innovation. Yajma'un nusus, c'est-à-dire que les gens de l'Al-Sunna wal-Jama'a, ils rassemblent les textes, ils les expliquent, car la religion c'est un tout. Car la science c'est un tout. On ne peut pas prendre ce que l'on veut et suivre sa passion avec. Regardez ces versets du Coran qui vont être plus qu'explicites quant à la signification qui est voulue dans les hadiths et qui est voulue donc par conséquent dans les versets eux-mêmes. يقول الله عز وجل وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. Regardez les termes qui sont employés. Donc on va revenir toujours ici aux terminologies, aux termes qui sont employés pour bien comprendre. Il dit وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُ بَيْنَهُمَا. Dans un premier temps, Allah Azza wa Jal a appelé ces deux groupes qui vont s'entretuer. Il les a appelés comment? Des croyants. Ils s'entretuent. Le terme ici, اقْتَتَلُوا, c'est-à-dire اقْتِتَل, il fait de s'entretuer entre eux. Et qui reviennent donc aux termes qui ont été employés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous a dit wa qital ou kufr, ou qui nous a dit yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Ici il les a appelés Allah Azza wa Jal al-mu'minin, il les a appelés les croyants. Donc il va nous dire le shir fa athbata Allah ta'ala lahum al-iman wa ukhuwat al-iman. Il a donc Allah tabaraka wa ta'ala attesté pour eux en employant donc ces termes qu'ils sont bel et bien des croyants, min al-mu'minin, malgré qu'ils sont entretués. Donc on va comprendre à partir de là, dans les hadiths précédents du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que c'est bel et bien al-kufr al-asrar qui est voulu par al-qital, ou par l'irtital, par le fait de s'entretuer, lorsque les musulmans s'entretuent, ou alors se font une guerre, ou alors se combattent. Et également, ce qui vient encore appuyer la suite du verset qui a été cité, innama al-mu'minuna ikhwatun faslihu bayna akhawaykum. Donc les croyants ne sont que des frères, établissez la concorde entre vos frères. Établissez la concorde entre vos frères. Donc on voit qu'Allah Azzajal les a bien nommés ensuite des frères, ceux qui se sont donc combattus, et qu'il faut établir entre eux la concorde, c'est-à-dire donc l'islah. Donc c'est de façon claire et nette qu'ici, pour ce qui est de la compréhension du verset, pour ce qui est de l'incompréhension du hadith ou des hadiths, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qu'Allah Azzawajal, ils n'ont voulu que par l'emploi du terme kufr et ses dérivés, al-kufr al-asrar. Et ça de façon claire. Donc on est revenu au verset du Coran, on est revenu au hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, également l'explication que nous ont donné les savants. Et on a fait cela de même, comme on a fait lorsqu'on a expliqué le verset. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Ceux qui ne jugent pas par ce qu'Allah a fait descendre, ce sont là les koufars. On a fait de même pour ce qui était de ça. Pas de différence. Donc regardez comment les choses elles deviennent claires lorsqu'on explique cela d'une manière scientifique et qu'on revêt bien aux terminologies employées et la façon dont elles sont employées dans le contexte et qu'on revient bien donc au sens voulu dans ces textes, que ce soit de la sunna ou que ce soit du Coran. Le cheikh nous donne également un autre exemple. وقال تعالى في آية القصاص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. Donc dans ce verset également, il va nous dire le cheikh فأثبت تعالى له أخوة الإسلام ولم ينفيها عنه. C'est-à-dire pour la personne. هذا في آية القصاص. Donc le verset qui correspond donc à la loi du talion. Donc, pour celui qui aurait tué ou qui aurait voulu combattre son frère et qui lui aurait fait du mal ou alors qu'il l'aurait tué, donc on voit ici فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِيَحْسَنٍ. Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Donc on voit ici الْيَعْفَى, celui qui aura pardonné, qui aura fait grâce par rapport. Donc, on est bien ici par rapport à la loi du talion, pour celui qui aurait tué ou autre. Donc il dit bien ici Allah tabaraka wa ta'ala, min akhi, le terme qui est employé, min akhi, de son frère. Donc le fait qu'Allah azawajal utilise ce terme, ça veut dire qu'il reste ukhuwat al-islam, qu'il reste donc la fraternité musulmane malgré ce qui s'est passé. Ce qui veut dire par là qu'ils ne sont pas sortis de l'islam, ou que celui qui a tué n'est pas sorti de l'islam. Celui qui a tué et sur qui la loi du talion doit appliquer, il n'est pas sorti de l'islam. Mais il reste donc le frère. Par là donc, il reste parmi les musulmans. Donc les textes sont clairs par rapport à ça, la compréhension est plus qu'explicite et claire lorsque les savants les ont expliqués, donc, à travers l'exposition du verset. Ça c'est pour les versets du Coran. Maintenant on va venir à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va voir également ici que de façon claire et nette, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va nous donner et il va nous expliquer des hadiths où il va falloir comprendre qu'est-ce que cela induit par rapport au hukm, par rapport à la personne bien entendu. Dans ce hadith, qui est également un hadith rapporté par l'imam Bukhari et Muslim, il dit An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, La yazni al-zani hina yazni wa mu'min, wa la yasriq hina yasriq wa mu'min, wa la yashrab al-khamr hina yashrabuha wa mu'min, wa tawbatu ma'rudatun ba'd. زاد في رواية ولا يقتل وهو مؤمن وفي رواية ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم. Pour ce qui est du premier hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou les différentes variantes qui nous sont données, لا يزني الزاني. Donc الزاني c'est celui qui fait zina, celui qui fait l'adultère. Il nous dit ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment où il fait le zina, ou la personne fait le zina, il n'est pas croyant. C'est comme ça qu'on va le comprendre. La yazni zani hina yazni wa mu'min. Qui n'est pas croyant. Est-ce qu'on va comprendre par là, lorsqu'Allah Azza wa Jalla dit au moment où il fait cet acte-là, il n'est pas croyant, qu'il devient un kafir, qu'il sort donc de l'islam? Ce qu'on pourrait croire, si on prenait simplement ce hadith, sans regarder les autres textes, et sans regarder bien entendu les autres hadiths, si on voudrait faire, ou si on voudrait prendre la voie des gens d'innovation, on ferait cela. On dit, regarde mon frère, ça c'est des hadiths qui sont clairs et nets, mais les gens bien entendu viennent avec d'autres hadiths, peut-être beaucoup plus délicats, etc. En tous les cas, ça c'est leur voie qu'ils empruntent. Regardez ici, il pourrait venir et dire à une personne ignorante, la yazni zani hina yazni wa mu'min. Qu'est-ce que tu comprends mon frère de ce verset, de cette parole du prophète? Celui qui fait le zina, au moment où il fait le zina, il n'est pas un croyant. Donc c'est un kafir. Donc celui qui fait zina, automatiquement c'est un kafir. Khalas, intaha. Ça c'est le hukm qui va être donné. Regardez comme cela est dangereux, et comme cela donc peut induire la personne à l'erreur lorsqu'elle revient à des nusus, lorsqu'elle revient à des textes, qu'elle n'a pas compris leur terminologie, qu'elle n'a pas compris également leur catégorie, c'est-à-dire les catégories qu'expriment ces terminologies, et comment on va les comprendre, comment on va les expliquer en rassemblant les autres hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. De même pour celui qui vole, de même pour celui qui boit le khamr. Tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au moment où ils font ces actes-là, ils ne sont pas croyants. وَتَوْبَةُ مَعْرُودَةٌ بَعْدٌ. Dans un premier temps, si on voit une des versions du hadith, de ce hadith, وَتَوْبَةُ مَعْرُودَةٌ بَعْدٌ, on va comprendre qu'il y a ici un acte de tawbah. وَتَوْبَةُ مَعْرُودَةٌ بَعْدٌ. Les savants nous ont expliqué. Qu'est-ce que veut dire donc ce terme? La tawbah, c'est bien entendu le repentir. Le repentir. Et comme nous l'explique l'imam Al-Mubarak Fouri, fi Tuhfat Al-Ahwadi, qui est l'explication de Jami' Al-Tirmidhi, des Sunan Al-Tirmidhi, il nous dit فَإِنْ تَابَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ. C'est-à-dire que s'il fait acte de repentir ensuite, après ces actes-là, Allah Azza wa Jal accepte ce repentir-là. C'est ça, ma'na, wa tawbatu ma'rudatun ba'd. Également, dans une autre version, wa la yaqtul wa mu'min. Au moment où il tue, il ne peut être croyant. Wa fi riwayatin, wa la yantahibu nuhbatan dhata sharafin yarfa'u an-nasu ilayha aw ilayhi fiha absarahum. Ici donc, dans le hadith, ou la suite du hadith, on va comprendre un nuhba yalmal al-ma'khudh jahran wa qahlan. C'est tout simplement le mal al-manhub. C'est tout simplement le bien qui va être pris de façon en public, un bien qui va être pris en public, et également qahran qui va être pris de force, qui va être pris de force. Donc une personne qui va prendre un bien devant tout le monde et qui va la prendre de force, donc qui va la voler de quelqu'un ou etc, qui va la prendre de force, qui va la prendre devant tout le monde sans même prêter attention à ceux qui sont autour de lui, il le fait devant tout le monde, alors que les gens le regardent à ce moment là alors cette personne, bien entendu, un objet ou quelque chose qui va être de valeur, dhat al-sharaf, on va comprendre donc dhat al-qadrin azim, comme l'explique l'imam al-Nawawi, c'est à dire quelque chose qui a une grande valeur. Donc ce bien qui a une grande valeur, lorsque la personne elle l'apprend devant tout le monde en public, et elle l'apprend donc de force, si elle fait ça, à ce moment là elle n'est pas croyante, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous le dit dans ce hadith, dans une autre des versions, wawa mu'min, wawa mu'min. Bien entendu, les savants qui m'ont expliqué à l'exemple d'Ibn Hajar, ils nous ont dit donc, soit la personne donc vole devant tout le monde un bien sans même yani prêter attention aux gens qui sont devant elle, ou alors une personne, et donc les gens le regardent tous et ils volent sans prêter attention, la yubel. Ou alors également, ce qu'on pourrait comprendre du hadith, c'est qu'ils volent et les personnes donc regardent comme ils volent cet objet de valeur, ou alors ce bien de valeur de la personne, et que personne ne peut intervenir. Pourquoi? Parce que la personne qui fait cela est plus forte, etc. À la kulli hal, le hadith il est clair par rapport à sa compréhension. Ici donc, Hafir Allah, comme il nous a expliqué les versets précédents et les hadiths précédents, il va également nous expliquer ce hadith par un autre hadith qui va nous éclaircir de manière claire et nette que le prophète n'a pas voulu ici ce qui est du kufr al-akbar, c'est-à-dire que la personne va sortir de l'islam, et que ça reste ceci, ce qu'on appelle dans le kufr al-amali, dans le kufr qui est propre à l'acte. C'est tout simplement lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un autre hadith qui lui est rapporté également par l'imam al-Bukhari, l'imam muslim, il dit ما من عبد قال الله قال لا إله إلا الله ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زانا وإن سرق قال وإن زانا وإن سرق ثلاثا ثم قال في الرابعة. Bien entendu, ici c'est Abu Dhar qui parle, parce que c'est le hadith d'Abi Dhar رضي الله تعالى عنه. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. Dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'il n'y a pas un serviteur qui dit la ilaha illallah, qui dit donc cette parole la ilaha illallah, kalimat al-tawhid, la parole du tawhid, al-shahada, le témoignage. Il n'y a pas une personne qui dit cela, thumma mata ala dhalik illa dakhala al-jannah, puis qui meurt suivant cela sans qu'il rentre dans le paradis. C'est-à-dire qu'il rentrera dans le paradis, la personne qui qui dit la ilaha illallah, qui comprenne ce que ça veut dire et qui applique ce que cela implique, c'est-à-dire donc qui applique le tawhid. Qult, Abu Dhar, il va lui poser une question parce qu'il a entendu cela du prophète. Il va lui dire à Abu Dhar radiallahu ta'ala an, il va lui dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa in zana wa in sarq, c'est-à-dire et même s'il fait le zina et même s'il vole, qu'est-ce qu'il va lui dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa in zana wa in sarq thalathan, il va lui répéter trois fois pour insister, il va lui répéter trois fois et même s'il fait donc la fornication et même s'il vole. Il va même lui redemander une quatrième fois à Abu Dhar. Et qu'est-ce qu'il va lui dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ara ragmi anfi Abi Dhar. Ara ragmi anfi Abi Dhar. C'est-à-dire il lui a dit d'abord wa in zana wa in sarq, il l'a répété trois fois. C'est-à-dire qu'il lui a reposé la question trois fois pour être sûr, Abu Dhar. Et le prophète Salam dû lui répéter trois fois la même réponse. Et au bout de la quatrième fois, il va encore lui dire, wa in zana wa in sarq. Au bout de la quatrième fois, il va lui dire, ara ragmi anfi Abi Dhar. C'est-à-dire donc, ce qu'on pourrait, une expression que l'on pourrait traduire de cette façon, contre le gré d'Abu Dhar. Contre le gré donc d'Abu Dhar. C'est comme ça qu'on va traduire cette parole, contre le gré d'Abu Dhar. Ala rahmi anfi Abi Dhar. Qu'est-ce qu'on va comprendre? Il va nous dire le shir, فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْفِي عَنِ الزَّانِ وَالسَّارِقِ وَالشَّارِبِ وَالْقَاتِلِ مُطْلَقَ الْإِيمَانِ بِالْكُلِّيَّةِ مَعَ التَّوْحِيدِ فَإِنَّهُ لَوْ أَرَادَ ذَلِكَ لَمْ يُخْبِرْ بِأَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَإِنْ فَعَلَ تِلْكَ الْمَعَاصِي فَلَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُؤْمِنَةٌ وَإِنَّمَا أَرَادَ بِذَلِكَ نقص الإيمان ونفي كماله ونفي كماله وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول في تحريمها بل يكفر باعتقاد حلها وإن لم يفعلها والله سبحانه وتعالى أعلم. الشيخ va nous dire ensuite que le prophète sallallahu il n'a pas dénié de ces gens-là, de cette catégorie de gens qui font le zina, qui boivent l'alcool, etc. Il n'a pas dénié d'eux, ou il n'a pas enlevé d'eux, ce terme qui est l'iman, ce terme qui est donc la foi. Avec, bien entendu, la présence du tawhid chez ces gens-là. C'est-à-dire qu'une personne, elle peut être muwahhid, c'est-à-dire une personne peut ne pas tomber dans le shirk qui va le faire sortir de l'islam, mais faire ses ma'asi, mais tomber dans ses péchés. Ça ne va pas faire de cette personne-là un kafir, et donc une personne qui va entrer automatiquement en enfer, et ça de façon éternelle. Ça, c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus pour ce qui est de al-ma'asi. Et c'est ce que nous explique le shir ici. S'il nous a rapporté ce deuxième verset, c'est pour nous faire comprendre, ou ce deuxième hadith, parfois c'est pour nous faire comprendre le premier hadith. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait la yazni zaniyahina yazni wa mu'min, pour nous faire comprendre ensuite dans ce deuxième hadith que le sens qu'a voulu donner le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce n'est pas en réalité le kufr al-akbar, que la personne a fait cela et est sortie de l'islam complètement. Non. Ou totalement. Non. C'est que cette personne-là, comme nous le dit le shir, elle a eu un naqs, naqs al-iman, wa nafi kamali, que le prophète sallam a voulu par là, et de par l'emploi de ces termes-là, qui est donc des dérivés du kouf, il a voulu par là la diminution de la foi. La diminution de la foi. Il a voulu nier donc la perfection de la foi, et la parfaite foi. Ces gens-là n'ont pas une foi qui est parfaite, et n'ont pas une foi qui est complète, ces gens-là, ceux qui sont tombés dans ces maracis. C'est ce qui a été voulu par le prophète sallam lorsqu'on a ensuite rapporté et relié, si on peut dire ainsi, les hadiths entre eux. Et ça, c'est la voie des gens de la sunna et du consensus, contrairement aux gens de l'innovation, qui eux prennent ce qu'ils veulent parmi les versets, parmi les hadiths, et qui ensuite attestent leur fausse croyance, qui en réalité, lorsqu'on regarde de façon plus générale et en rassemblant les autres nusus, les autres textes, qui est totalement en contradiction avec la croyance du Coran, de la Sunna et des plus prédécesseurs, comme l'ont compris les plus prédécesseurs. Ensuite, à la fin du texte du Shir, il va nous expliquer, et ça c'est un point qui est très important et qui est également fondamental, il nous dit إِنَّمَا يَكْفُرَ الْعَبْدُ بِتِلْكَ الْمَعَاصِي مَعَ إِسْتِحْلَالِ إِيَّاهَا الْمُسْتَلْزِمِ لِتَكْذِيبِ الْكِتَابِ وَالرَّسُولِ فِي تَحْرِيمِهَا بَلْ يَكْفُرْ بِاعْتِقَادِ حَلِّهَا وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْهَا والله سبحانه وتعالى أعلم. Il va nous dire ici le shir que la personne n'am, elle va rentrer dans le kufr al-akbar ici à une condition. Cette condition, celle qui va être donnée pour ce qui est de ses ma'asi, pour ce qui est de ses péchés, si la personne elle a une croyance. Donc ici on va revenir à la croyance, on ne va pas revenir à l'acte, on va revenir à la croyance. Il nous dit le shir, si la personne donc voit que ses péchés en réalité ils sont permis. Je fais le zina et je crois que ce zina il est autorisé en islam. Cette personne là yakfur, cette personne là elle sort d'islam. Je bois du khamr, je bois de l'alcool et je crois que boire cet alcool là c'est permis en islam. Hada yakfur, cette personne là sort d'islam totalement. Pourquoi? Il nous dit le shir. Parce que cela va impliquer qu'il va démentir quoi? Le livre d'Allah et le prophète qui nous ont informés de façon claire et évidente et que personne ne peut démentir, que ce soit parmi les musulmans, même parmi les koufars, pour ce qui est par exemple du zina, pour ce qui est de l'adultère, pour ce qui est par exemple de boire de l'alcool. Personne ne peut dire que cela est interdit en islam. Donc la personne qui va dire que c'est personne ne peut dire donc que c'est permis en islam. Donc la personne qui va dire que c'est permis en islam, tout simplement elle a démenti le Coran et la parole du prophète sur Salam qui concerne bien entendu leur interdiction pour ce qui est donc de fitahrimia, pour ce qui concerne de l'interdiction. Il nous dit le shir bal yakfur, et même cette personne là c'est à dire une mécréante qui sort d'islam, si elle croit que cela est permis, et même si elle ne le fait pas, même si elle ne fait pas zina, mais elle dit je sais que, ou je crois enfin qu'en islam le zina, l'adultère, c'est permis, alors à ce moment-là, la personne, elle sort de l'islam. Yakfur, la personne, elle sort de l'islam, automatiquement. De même pour ce qui est de Sharb al-Khamr, etc. Pour ce qui est des al-Ma'asi. Donc on voit bien la différence ici, avec ce qui revient à l'acte, et que la personne n'a pas une croyance par rapport à cet acte-là. Qu'elle reconnaît que c'est interdit, mais elle tombe dedans. Cette personne-là ne sort pas de l'islam. Cette personne-là, elle ne sort pas de l'islam. C'est de même pour ce qui était du verset qu'on a expliqué, suivant la compréhension des pieux prédécesseurs. Lorsqu'on a cité le verset, Man lam yahkum bima anzalallah, fa ulaika humul kafirun. Fa man lam yahkum bima anzalallah, fa ulaika humul kafirun. Fa ulaika humul fasiqun, fa ulaika humul zalimun. Pour ce qui est donc de ce verset, de même, le fait que la personne tombe dans cela, qu'elle ne juge pas comme Allah Azzawajal, ou suivant ce qu'Allah Azzawajal a fait descendre, l'acte ne va pas le faire sortir de l'islam. Par contre, cette personne a la croyance, donc ça concerne ici, ça concerne également le ma'asi, les autres ma'asi, qui sont comme Sharb al-Khamr, le fait de boire l'alcool, etc. Si la personne elle croit que cela est autorisé de juger avec une autre loi d'Allah, ou alors qu'elle croit que la loi avec laquelle elle juge, qui est différente que celle d'Allah, est pareille et identique à la loi d'Allah, c'est-à-dire elle est au même niveau que la loi d'Allah, bien entendu, cette personne, elle va sortir de l'islam. Mais par rapport à quoi? Par rapport à sa croyance. Par rapport à quoi? Par rapport à sa croyance. Il dit le shir à la question 168. Il dit, Ida qila lana. Maintenant, il va en fait nous poser une question qui est en réalité peut-être une ambiguïté pour certains. Lorsqu'on a parlé du kufr al-amali. Lorsqu'on dit kufr al-amali, on dit bien donc le kufr qui est en rapport avec l'acte, donc qui est propre à l'acte. Tayyib. Et que automatiquement ce kufr là ne fait pas sortir l'islam. Peut-être qu'il va y avoir une ambiguïté chez certaines personnes lorsqu'on a pris le terme amali, c'est-à-dire le terme acte. C'est cette question qui va nous poser le shir. Hal as-sujud lis-sanam wa al-istihanatu bil-kitab wa sabr ar-rasul wa al-hazl bid-din wa nahwu dhalik hadha kulluhu min al-kufr al-amali fima yadhhar falima فلما كان مخرجا من الدين فلما كان مخرجا من الدين قد عرفتم الكفر الأصغر بالعمل وقد عرفتم الكفر الأصغر بالعمل. Le shir, il va nous poser cette question. Si on nous dit que la prosternation pour une idole, le mépris du Coran, tout ça c'est des actes, tout ça bien entendu c'est des actes. Si on nous dit que la prosternation pour une idole, le mépris du Coran, l'insulte du messager sallallahu alayhi wa sallam, la moquerie de la religion et autres font apparemment partie de l'incroyance pratique, ça c'est le kufr al-amali, font apparemment fima yadhar, c'est-à-dire elles font apparemment partie de l'incroyance pratique, c'est-à-dire ce qui est propre à l'acte, le kufr al-amali. Pourquoi alors font-ils sortir de la religion alors que vous avez défini l'incroyance mineure comme étant celle qui est propre à l'acte, qui est pratique, qui est propre donc à l'acte? On a donné comme définition que le kufr al-asghar c'était le kufr al-amali. Comment ça se fait ici qu'on a des actes Et ces actes-là, ils font sortir de l'islam. À l'exemple que nous a donné le cheikh. Ici, il va nous répondre d'une façon précise. Rahimallah. Cette réponse est la suivante. Il dit, i'lam anna hadhihi al-arba'a. Donc sache que ces quatre, c'est-à-dire donc les quatre choses qu'il a citées, le cheikh à titre d'exemple. Sujud al-salam, al-istihana bil-kitab, sabr al-rasul wal-haznam. Ces quatre choses. Wa ma shakala, est-ce qu'ils vont donc lui ressembler? Est-ce qu'ils vont donc rentrer dans la même catégorie? Laysa hiya min al-kufr al-amali illa min jihati kawniha waqi'atun bi'amal al-jawarih. Waqi'atun bi'amal al-jawarih fi ma yadhhar lin-nas. ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده الله أكبر ولا يبقى معها شيء من ذلك فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولابد ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد. Le shir nous dit donc, ici, il va nous répondre que si on appelle cela le kufr al-amali, alors en réalité, c'est un acte ou c'est une incroyance qui va être dite pratique ou propre à l'acte ici par rapport à ce qui est exécuté par les membres, bil-jawarih, aux yeux des gens. Si maintenant la personne, lorsqu'elle fait une prosternation devant une idole, c'est un acte qui est fait par les membres. Cet acte-là qui est fait par les membres, c'est ce que nous on voit. Maintenant, je marche, je vois une personne qui se prosterne devant une idole. Qu'est-ce que je veux penser de cette personne directement? Que c'est un kafir. Que c'est un kafir, c'est-à-dire un mécréant qui sort de l'islam. Tayyib. Donc, dans ce sens, il nous dit le shirk, ça rentre dans où on pourrait comprendre que c'est une mécréance qui est propre à l'acte. C'est bel et bien une mécréance qui est propre à l'acte ici. Car la personne a fait un acte de par ses al-jawarih. Mais qu'est-ce qu'il va nous dire le shirk? وَلَكِنَّا لَا تَقَعْ إِلَّا مَعَا ذَهَابِ عَمَلِ الْقَلْبِ مِنْ نِيَتِ وَإِخْلَاسِ وَمَحَبَّتِ وَانْقِيَادِ. On avait vu que lorsque il y a la disparition de l'acte du cœur, également, donc l'acte du cœur qui va être ici, quatre choses. Sans les a déjà expliqués. Donc on voit ici l'explication où on revient aux explications qu'on a données auparavant. Et je vous avais dit donc de bien réviser ensuite pour la suite des cours pour comprendre. Donc il nous dit ici amal al-qalb. Amal al-qalb, donc l'acte du cœur. Cet acte du cœur, on a vu, c'était quatre choses. C'était donc un niya, l'intention, c'était l'ikhlas, la pure intention envers Allah Azzawajal, ou al-mahabba, l'amour, ou al-inqiyad. Al-inqiyad, qui est donc le fait de se soumettre, la soumission, l'obéissance. Il nous dit, cela ne peut advenir d'une personne, ces actes-là, qu'il a cité le shirk, ça ne peut advenir d'une personne que lorsque amal al-qalb, l'acte du cœur, a disparu. L'acte du cœur a disparu. Donc il n'y a plus d'intention, qu'il n'y a plus d'ikhlas, donc ça de façon totale, et qu'il n'y a plus d'amour, et qu'il n'y a plus de soumission. Si la personne, je vois qu'elle fait ces actes-là, automatiquement je sais, en réalité, qu'il n'y a plus amal al-qalb, qu'il n'y a plus donc l'acte du cœur. Donc en réalité, cette personne-là, lorsqu'il n'y a plus l'acte du cœur, lorsqu'est parti l'acte du cœur, automatiquement c'est un kafir. Kufrun akbar. C'est donc un mécréant qui sort de l'islam. Et qu'il ne peut rester donc une chose de cela, qui rentre donc dans amal al-qalb, avec cet acte-là. Tout simplement parce que ce amal, cet acte-là, il a impliqué al-kufr al-i'tiqadi. Il a impliqué en réalité l'incroyance ou le kufr qui est propre à l'incroyance ou la mécréance qui est propre au dogme. Al-kufr al-i'tiqadi. Donc la mécréance qui est ici propre ou qui rentre dans le domaine de la croyance même, pas dans l'acte. Et cela ne peut advenir, il nous dit le shir. Cela ne peut advenir que de ces personnes-là qu'il va citer. Que ce soit un hypocrite, renégat, que ce soit un entêté, rebelle. Ça ne peut advenir que c'est de ces personnes-là, personne d'autre. Tayyib. Donc maintenant, pour résumer, je vois qu'une personne, Yasubullah, une personne va insulter Allah Azzawajal. Et elle sait, de par ce terme qu'elle emploie, elle n'est pas ignorante, elle sait de par ce terme qu'elle emploie que c'est bel et bien l'insulte d'Allah Azzawajal. Ou alors l'insulte de son prophète, qu'elle insulte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'elle sait qu'elle est en train d'insulter le prophète. À ce moment-là, on a su, de par cet acte-là, ce qu'il y avait dans le cœur. On a su, de par cet acte-là, qu'il y avait en réalité la dissipation de ce qu'on appelle amal al-qalb, de l'acte du cœur. Et donc, avec cette dissipation, va intervenir al-kufr al-i'tiqadi. Al-kufr al-i'tiqadi, c'est-à-dire donc la mécréance majeure. Ce qu'on va donc ici citer comme mécréance majeure et qui est propre à la croyance. Automatiquement. Parce que personne ne peut se prosterner devant une idole. Personne ne peut prendre par exemple le Coran, le jeter dans une poubelle, ou alors le déchirer, ou alors le brûler, ou etc., sans que automatiquement c'est un kafir, et qu'automatiquement dans son cœur c'est une personne qui ne croit pas, et dont amal al-qalb, les actes du cœur, ou l'acte du cœur a disparu, tout simplement. Donc ça, c'est la réponse à cette ambiguïté. C'est comme ça que le shirk va répondre à cette ambiguïté, parce qu'on aurait pu dire ici, pour ce qui est de la prosternation devant As-Sanam, devant l'idole, c'est tout simplement kouf, amali, parce que c'est propre à l'acte. Na'am, c'est propre à l'acte ici, rentre dans l'acte, mais cet acte-là qu'il a fait a impliqué al-kufr al-i'tiqadi, celui qui est donc majeur. Ensuite, le shirk, donc il nous a donné l'exemple al-munafiqin, l'exemple donc de ceux qui sont les hypocrites, comme cela donc s'est passé à la bataille de Tabouk. Et donc de nous citer le shir, le verset du Coran qui correspond à cela. قالوا يقول الله عز وجل قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك مع قولهم لما سئلوا إنما كنا نخوض ونلعب قال الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعمل مطلقا بل بالعمل المحض الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله. طيب جميل. Le shir ensuite donc, après nous avoir cité les versets du Coran qui correspondent donc et qui nous rappellent ce qui s'était passé avec les hypocrites qui avaient parlé bien entendu sur les sahaba, qui s'étaient moqués donc des sahaba, qui s'étaient moqués de ceux parmi les sahaba qui récitaient le Coran, des récitateurs du Coran, et on sait tous par rapport à leur moquerie, qu'ils sont sortis donc de l'islam, car ils se sont moqués de façon claire et nette de ce qui était des emblèmes de l'islam. Et en l'occurrence ici, ceux qui récitaient le Coran. Et donc, ils ont dit la parole de la mécréance et ils ont rejeté la foi après avoir été musulmans. Vraiment, nous ne faisions que bavarder, jouer. C'est ce qu'ils ont dit lorsqu'on leur a donc posé et lorsqu'ils ont su ce qui était descendu. Vraiment, nous ne faisions que bavarder et jouer. Et ensuite, Allah Azzawajal de répliquer Izzallah, de ces versets, le Coran, de son messager que vous vous moquiez. Donc on a vu que cette moquerie les a fait sortir de l'islam. Pourquoi? Parce qu'on a su ce qu'il y avait réellement dans leur cœur, et que c'était en réalité des munafiqin, que c'était en réalité ceux-là des hypocrites. Pourquoi? Parce qu'ils se sont moqués à ce moment-là de ce qui était, comme on l'a dit, propre à la religion, des récitateurs du Coran. Taïb. Donc à partir de là, le shir va nous dire, et ça c'est très important, il va nous dire à la fin, et c'est par là donc qu'on va terminer, il va nous dire, nous n'avons pas défini l'incroyance mineure comme étant l'incroyance propre à l'acte dans l'absolu, yani de façon absolue. C'est-à-dire, ça ne veut, lorsqu'on dit elle couffle l'amali, ça ne veut pas dire que automatiquement tout ce qui va être comme acte, ça rentre uniquement dans le couffle l'amali, ce qui ne fait pas sortir d'islam. C'est ça qui est voulu par le shir lorsqu'il a dit de façon absolue. C'est-à-dire qu'on n'a pas donné la définition du kouf amali comme étant des actes qui sont propres à la mécréance. Des actes qui sont propres à la mécréance, de façon absolue. C'est-à-dire par là qu'on aurait fait rentrer même la personne qui va se prosterner devant un idole, la personne qui va insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En apparence, ça reste juste du kouf qui est propre à l'acte. Et de nous dire donc le shir, الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمله, c'est-à-dire bel bil amali, bel bil amali al mahd الذي لم يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب ولا عمل. Il nous a dit, en réalité, nous, on a défini al-kufr al-amali comme étant le kufr al-asghar pour ce qui est de l'acte qui va être purement pratique, c'est-à-dire un acte qui va être pur, un acte pur. Al-ladhi lam yastalzim al-i'tiqad, qui n'implique pas une croyance, qui n'implique pas une croyance, ou qui ne va pas contredire la parole du cœur. Donc on sait ce que c'est la parole du cœur, qul al-qalb, on l'a déjà expliqué, et ni son acte, l'acte du cœur. Tayyib, ça c'est réellement la définition de et ce qu'on veut par al-kufr al-amali. C'est donc, ce n'est pas donc al-kufr al-amali dans le sens que c'est le kufr al-asghar, dans le sens que c'est le kufr qui est mineur, qui ne fait pas sortir d'islam, le kufr qui est tout simplement ou uniquement et de façon absolue qui est relatif à l'acte. Non, il y a ce qui est relatif à l'acte, mais qui fait apparaître ce qu'il y a dans le cœur. Donc nous on a voulu par là l'acte qui n'implique pas la croyance et qui ne contredit pas la parole du cœur et son acte. C'est ce qui a été voulu par al-kufr al-amali, et c'est une grande différence qu'il y a à faire entre donc al-kufr al-amali ou al-kufr al-i'tiqadi. Et ça, c'est par rapport donc aux actes. Tayyib, si maintenant une personne, elle fait le zina, par son acte, on sait automatiquement qu'elle est rentrée dans le kufr. Mais que ce kufr-là, ce n'est pas un kufr qui est akbar. Pourquoi ? Parce que ce kufr-là, qui reste fil ma'asi, n'implique aucunement une croyance. N'implique aucunement une croyance. Mujarrad al-amal, c'est-à-dire uniquement l'acte, n'implique pas la croyance. Pour ce qui est de celui qui a fait le zina. Également, comme on l'a vu par rapport au verset, celui qui ne juge pas ou qui juge par une autre loi d'Allah Azzawajal, uniquement l'acte ne va pas faire sortir de l'islam. Sauf si, bien entendu, comme on l'a dit, si ensuite elle dit j'ai fait cet acte-là car je sais que c'est permis, ou alors je sais que cela est la meilleure des choses à faire par rapport à la loi d'Allah, ou alors pour ce qui est du zina, que cela donc est permis et qu'il n'y a aucune interdiction par rapport à la religion. Sinon on ne peut la faire sortir de l'islam. Contrairement donc ici à celui qui va insulter Allah, qui va insulter son prophète, cette personne là lorsqu'elle a fait cet acte là ici il y a une implication de quoi? D'une croyance, de ce qu'il y a dans le cœur de cette personne. Et on a su à partir de là la dissipation de la parole et de l'acte du cœur de par cet acte là donc c'est bien une différence qu'il y a à faire entre al-kufr al-amali ou al-kufr al-i'tiqadi. Al-kufr al-amali ou al-kufr al-i'tiqadi. Et je vais tout simplement rappeler une parole de Ibn al-Qayyim al-Jawzi rahmatullah alayh, et on finira par ça. Yaqul Ibn al-Qayyim rahmatullah alayh, ça c'est dans son livre qui s'appelle Kitab al-Salat, Kitab al-Salah wa Hukm Tarikiya, c'est-à-dire le livre de la prière et le jugement de celui qui l'a délaissé. Ibn al-Qayyim: wa amma al-kufr al-amal fa yanqasim ila ma yudaddu al-iman wa ila ma la yudadduhu. Donc on va comprendre ici par rapport à la parole de Ibn al-Qayyim, c'est-à-dire la mécréance qui est propre à l'acte, il se divise donc en deux parties, ce qui va être contraire à la foi et ce qui ne va pas être contraire à la foi. Il nous dit fasujud li sanam wa listihanati bil mushaf wa qatl an nabi sallallahu alayhi wa sallam wa sabbi yudad al iman wa sabbu yudad al iman, c'est-à-dire donc ici la prosternation devant l'idole, al istihanatu bil mushaf, qatl an nabi, c'est-à-dire l'ont tué un prophète, l'insulter, yudadul iman. Cela est contraire à la foi. Donc comme on l'a vu auparavant. Wa amma al-hukm bighayri ma anzalallah wa tarku as-salah fa huwa min al-kufr al-amali qat'an. Il nous dit par contre pour ce qui est de juger avec une autre loi d'Allah, wa tarku as-salah, et délaisser la prière, fa huwa min al-kufr al-amali qat'an. Ça fait partie donc de l'incroyance propre à l'acte. Qat'an, c'est-à-dire totalement. Wa la yumkin أن ينفع عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر وترك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن وكفر عمل لا كفر اعتقاد. Donc il nous dit Ibn al-Qayyim qu'on ne peut pas dénier le nom du kufr par rapport à cette personne-là après qu'Allah Azzawajal lui-même et que son prophète leur ont appliqué ce nom-là, ce nom du kufr. Donc il nous dit à ce moment-là, le gouverneur qui juge avec une autre loi d'Allah est un kafir, est un mécréant, kafir. Comme il a dit Allah Azza wa Jalla, وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. تارك الصلاة كافر, celui qui délaisse la prière, كافر. بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم, comme le texte même du prophète صلى الله عليه وسلم, ou la parole du prophète صلى الله عليه وسلم pour ce qui est du تارك الصلاة. لكن, mais وكفر عمل, cela est une incroyance propre à l'acte. لا كفر اعتقاد, et ce n'est pas une incroyance propre donc au dogme, propre à la croyance même. Un kufr qui est donc propre à la croyance même. Taïb, pour bien nous faire comprendre la différence. Que Allah Azza wa Jalla les a appelés kafirun, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a nommé kafir, mais que ici ces termes qui ont été employés, ce n'a pas été voulu, on n'a pas voulu par ça, ou le sens n'a pas été du kufr al-akbar, celui donc qui fait sortir de l'islam. Donc par là, c'est uniquement le kufr amal, c'est uniquement donc l'incroyance qui est propre à l'acte, comme nous l'explique ici Ibn al-Qayyim. Donc on fait bien tout le temps la différence, et c'est ça qui est très important. C'est beaucoup de gens se sont égarés à partir de là, que ce n'est pas parce que la personne va être nommée kafir ou qu'on va appliquer sur lui des dérivés du terme kufr qu'automatiquement c'est une personne qui sort de l'islam. Ça peut être donc son kufr, comme on l'a vu, par rapport à celui qui fait zina, par rapport à celui qui tue, etc. On a vu que le terme est employé kufr et ses dérivés, mais on a vu par là que cela ne voulait pas dire al-kufr al-akbar, c'est-à-dire le kufr qui fait sortir de l'islam, ou alors ce qu'on appelle autrement également al-kufr al-i'tiqadi, donc le kufr qui est propre à la croyance. Donc ça, c'est plus que clair pour ce qui est donc de ce sujet-là. Et inshallah, on terminera, il y a encore des choses à dire par rapport au kufr, des choses à dire également par rapport à takfir, la question de takfir, inshallah ou ta'ala. Tout ça, on continuera donc pour ce qui est de notre prochain cours vendredi en soirée à la même heure. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.